Je pourrais te parler de ces ailes d'or qui font voyager mon âme et mon décor. Si tu n'y crois pas, passe ta route. Parler de voiliers au milieu du ciel, sillons de velours et de vents éternels. Si tu n'y crois pas, passe ta route. Si tu suis mes doutes et mes voyages, compagnon fidèle mais pas trop sage, I love you. I love you. Si tu comprends mes montrer des soleils si blancs qui te font plonger dans des fleurs d'argent. Si tu n'y crois pas, passe ta route. Mais si tu suis mes doutes et mes voyages, compagnon fidèle mais pas trop sage, I love you. I love you. Si tu comprends mes jamais. Sur le bord d'un chemin, mes fautes et mes 20 ans, j'ai pris le train. Ne plus appartenir qu'à l'eau, et seulement détenir en verre, en fer, et avancer encore en bas. Malgré toi, dont je m'habille au cœur de tes bras, j'apprends à ne plus faire semblant, à perdre mon âme pour mieux rester vivant. J'ai fait bien trop de doutes, marché au bord du lit, j'ai lancé la route et le cœur qui se vit. Encore en bas, pour éloigner, brillez par toi. Tu me décides, bien malgré toi. Je promets, je ne suis plus le même. Je suis un autre dès que tu m'aimes. Si tu voulais, tout recommencerait. Si tu vends des mots, une voile sur un bateau. Mais si tu me pardonnais, je changerais. Jolies notes de ton piano qui caressent et grises avant de s'envoler. Je t'offrirai mes îles au trésor, ce que tu voudras, tu suis donné. Si tu avant de m'assassiner. Si tu vends du faux, les mensonges de ton piano qui caresse et séduit, mais juste pour jouer. C'est du temps, des heures, c'est le dégoût et tant de douleur. La banalité des beaux rêves brisés. Souviens-toi de notre bonne et le deuil de ma candeur. C'est comme une fin d'enfance déchirée. C'est un grand m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Storm, le monde est storm. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fait du cinéma, qui me fait bon au cinéma. J'ai plus envie de ma balle, j'ai plus envie de courir comme tous ces automates qui bâtissent des empires. Comme des châteaux de cartes. Storm, le monde est storm. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, si c'est moi qui me fais du cinéma. instant, je cherche le soleil au milieu de ma nuit. Laissez-moi me débattre, venez pas en secourir, venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir. J'ai la tête qui éclate, tourner seul, m'endormir, m'étendre sur l'asphalte. You better stop the things that you do. I said, watch out. 'Cause I ain't lying. I put a spell. You better stop the things that you do. on dirait inventé pour elle. Quand elle danse, qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? C'est lui qui lui jettera la première pierre. Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Et ce diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. Au fond de l'air, mais le temps des rats éteint la flamme jusqu'à ce jour de hasard. Et soudain, on repart. On remplit nos yeux d'autres couleurs. Est-ce qu'on y voit mieux? Est-ce qu'on est meilleur? Pour un regard de lumière, un seul aveu à faire. Je n'attendais que vous. Si grand et long chemin, je n'attendais que vous. Thank you.

quatre vents comme des accidents. J'ai envie de crier comme un nouveau-né, comme un ami m'attendait. Que l'amour est vilain, vilain par vilain. Seul dans ce qui vivait. Jamais adieu. Aux arbres mouillés de septembre, à leur soleil de souvenirs, à ces mots doux, à ces mots tendres que je t'ai entendu me dire, à la faveur d'un chemin creux ou d'une bougie allumée. Adieu à ce qui fut nous deux, à la passion du verbe aimer. L'adieu est une infinie diligence où les chevaux ont dû souffrir, où les reflets de ton absence ont marqué l'ombre du plaisir. Adieu est une lettre de toi que je garderai sur mon cœur, une illusion de toi et moi, une impression de vivre ailleurs. L'adieu n'est que vérité devant Dieu, tout le reste il sera écrit. À ceux qui se sont dit adieu quand il fallait se retenir, tu ne peux plus baisser les yeux devant le rouge des cheminées. Nous avons connu d'autres feux qui nous ont si bien consumés. L'adieu, c'est nos deux corps qui se séparent sur la rivière du temps qui passe. Je ne sais pas pour qui tu pars et tu ne sais pas qui m'embrasse. Nous n'aurons plus de jalousie ni de paroles qui font souffrir. Aussi fort qu'on s'était choisi, il faut le moment de partir. Oh, adieu. L'adieu, c'est le sanglot long des horloges et les trompettes de Waterloo. Dire à tous ceux qui s'interrogent que l'amour est tombé à l'eau. Le bateau vivre de tristesse qui nous a rongé, toi et moi. Les passagers sont en détresse et j'en connais deux qui se noient. Adieu aux arbres mouillés de septembre, à leur soleil de souvenirs, à ces mots doux, à ces mots tendres que je t'ai entendu me dire, à la faveur de chemin creux ou d'une bougie allumée. Adieu à ce qui fait nous deux, à la passion du verbe aimer. Adieu. C'est les loups blancs dans sa montagne et les chasseurs dans la vallée. Le soleil qui nous accompagne est une lune est à pleurer. Là tu ressembles à ces marées qui viendront tout ensevelir. Les marées avec les mariés, le passé avec la mêlée. Yeah. de la tendresse fond tes grands yeux noirs. Tu lui donneras ton corps, tu croiras à ses serments, tu l'aimes pour le drap, sans voir ce qu'il y a dedans. Tu que le monde est injuste, il s'égale. Demande, vu que le monde est injuste et me tient beau cavalier, le satin de ta peau brille n'est pas pour les vanités. À l'état et tu insultes à ta beauté insolente, une erreur de la Dieu que le monde est injuste, notre lot n'est pas le leur. Nous n'avons pas de fortune, mais tu donnes ton cœur. Ils sont nés dans la dentelle pour faire l'amour et la guerre. Just wake up and kiss that good life goodbye. Caro, comme d'habitude. Ah, je me lève. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap avec Marc Lavoine. Oh, que tu es froid comme d'habitude. Surtout au Québec, c'est pas mal. Caresse tes cheveux. Parce qu'il n'y en a plus. Presque malgré moi. Ah, comme d'habitude. mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Elle est comme ça en goût. Yes, there were times I'm sure you knew when I belong. Je suis pour dire un mot que Quasimodo est Esmeralda. Mon cœur te reste marqué à jamais. jamais d'une place pour toi et tous les mots que je te laisse sont toujours vivants, sont toujours là à chaque seconde, à chaque pas. Car dans je t'aime.